Johan, qui va parler des nouveaux mouvements sociaux. Exactement. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je vais m'asseoir, j'aime bien le principe. Je me présente rapidement et je vais présenter les deux personnes qui, si jamais vous entendez pas, vous faites signe, qui sont à ma gauche et qu'on le tracte, mais qui vont prendre la parole tout à l'heure. L'idée de la présentation, elle est double, et on verra comment on s'en sort pour les questions. Donc, on va faire moitié du temps chacun, mais c'est un de vous parler d'un travail de recherche que moi j'ai conduit sur ce qu'on a appelé depuis le mouvement des places. Donc, c'est tous ces mouvements sociaux un peu différents qui émergent, les indignés, Occupy Wall Street, Hong Kong, la Nuit Debout, la place Tahrir, la place Taksim, enfin je vais vous parler de ça pour vous proposer une lecture de pourquoi est-ce que ça arrive maintenant et pourquoi ça arrivait pas avant et comment ça s'inscrit dans une évolution. Et mes deux étudiants qui se présenteront au moment où ils prendront la parole, mais sont là parce qu'on avait un cours sur le leadership dans une école de commerce un peu plus haut la semaine dernière, en se posant la question du leader, du leadership, des suiveurs, du followership. Et ils ont accepté, et ils ont été moteurs pour venir observer la Nuit Debout. Donc je vais leur proposer, après mes 10 minutes, de prendre 10 minutes pour partager avec vous ce qu'ils ont lu, leurs idées et ce qu'ils ont observé. Parce que je vais en parler rapidement, une des caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux, c'est d'être un peu aveugle à eux-mêmes. C'est-à-dire, vu qu'on ne fonctionne pas comme les anciens, on ne sait pas bien comment on fonctionne. Et donc on ne sait pas bien comment le dire et on a un déficit de mots et de concepts pour se penser. Donc voilà, je le rappellerai tout à l'heure, je vous demanderai d'être indulgent avec eux parce que voilà, ça fait pas longtemps qu'ils travaillent là-dessus et ils ont moins l'habitude de la parole en public. Donc, soyez gentils avec eux et si vous n'êtes pas content, adressez-vous à moi, j'ai l'habitude. Alors très, très rapidement, cette idée de nouveaux mouvements sociaux, elle est... En fait, c'est intéressant. Depuis quelques années, il y a quelque chose d'autre qui se passe que l'insurrection violente en politique, ou alors la manifestation. On va de la République à la Bastille, puis après on tourne à gauche, on va à Nation, et on se retrouve tous sur le terre-plein à Nation. Et puis ça nous rappelle il y a 6 mois, et on fera la même chose dans 6 mois. C'est efficace et ça a fait ses preuves. La grève aussi. Mais il y a une nouvelle logique qui a émergé depuis quelques années avec la place Tahrir en Égypte, la place Taksim à Istanbul, et puis on voit les indignés en Espagne, et puis après on voit Occupy Wall Street, et puis après on voit la Nuit Debout, et après on en verra d'autres parce que à côté de la cathédrale Saint John's à Londres, ils ont fait la même chose. Et il y a cette idée d'aller occuper un espace public, et c'est pas vraiment un sitting. Les droits civiques américains avaient fait le sitting où on occupe un endroit gênant et on l'occupe longtemps, mais en essayant de gêner. Là, il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Et pour le décrire, on a mobilisé. Je ferai circuler le texte si vous voulez après. Ce texte académique, c'est un peu chiant, mais si la substance vous intéresse, on pourra creuser et échanger après. C'est un, expliquer pourquoi est-ce que ça arrive, ou en tout cas proposer une explication, pas l'explication, mais une explication. Essayer de trouver des mots pour caractériser ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des mouvements comme ça? Des conceptions du capitalisme actuel, elle est proposée alors en France par Thomas Piketty, aux États-Unis par Saskia Sassen, qui regarde une évolution du capitalisme un peu particulière, qui est une transformation en un capitalisme d'exclusion. Grosso modo, depuis le début du 19e siècle jusqu'aux années 80, tout le monde est un peu plus riche. Alors il y en a qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus vite que les autres, mais tout le monde est un peu plus riche. Chaque année, chaque génération. Et à partir des années 80, on voit, mais vraiment sur les revenus, le niveau de vie et un certain nombre d'indicateurs, à partir des années 80, les pauvres s'appauvrissent dans les pays développés. Dans les pays développés. Dans les pays capitalistes développés. Cette tendance-là, elle s'explique pour Saskia Sassen par l'arrivée d'un capitalisme de l'exclusion, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent totalement exclus de la sphère économique. Et ça se fait en parallèle et ça va générer une grande frustration avec l'émergence d'une géographie du capitalisme qui est différente, qui n'est plus que dans les pays industrialisés, mais avec ce qu'elle appelle des villes globales. Donc des villes globales, c'est des villes qui sont plus connectées à d'autres villes globales qu'à leur territoire. On connaît quasiment plus de gens quand on est parisien à New York et à Londres qu'à Limoges et à Bourg-en-Bresse. Et les villes sont très connectées et elles définissent une géographie du capitalisme dans laquelle le lieu de mobilisation, s'il veut être efficace, peut plus être le lieu de production. J'occupe mon usine, je fous le feu à la mine, mais dans une logique d'occuper des espaces symboliques dans des lieux symboliques. En gros, si on occupe la place de la République à Paris, on sera plus visible, plus proche du pouvoir politique, plus proche du pouvoir économique, plus proche des médias, que si on va dans une zone à défendre. Parce qu'il y en a beaucoup des zones à défendre dont on n'entend jamais parler. Et ce mouvement des places, il se fait non pas dans des lieux stratégiques en termes de mise sous pression et de rapport de pouvoir, mais des lieux qui sont symboliques. Et ces lieux symboliques permettent de représenter une contestation. Donc on occupe des espaces plutôt que d'aller manifester, plutôt que d'aller directement devant l'Elysée, devant Matignon, ce qu'on pourrait faire aussi. Mais le but de ce mouvement-là n'est pas exactement le même que la manifestation et la grève. Il y a une nouvelle logique. Et cette nouvelle logique, pour essayer de la caractériser, on a utilisé un concept emprunté à Michel Foucault qui est extrêmement intéressant, où il nous parle de ce qu'il appelle les hétérotopies. Alors il y a les utopies, c'est l'idée qui n'a pas de lieu. Et l'hétérotopie, c'est le lieu qui est fondamentalement autre. C'est le lieu dans lequel tout est différent. C'est le carnaval. C'est le lieu dans lequel on ne se comporte pas pareil. Il parle de cimetière, il parle du cirque, il parle du cinéma. C'est des lieux dans lesquels les rapports sociaux sont définis de manière différente, de manière plus ou moins stable, de manière plus ou moins chaotique, de manière plus ou moins régulée. Mais ce sont des espaces définitivement autres. Donc, c'est le lieu des contre-pouvoirs, des renversements, des caricatures, où on peut se comporter différemment. Et il appelle ça une hétérotopie, et il appelle de ses voeux une science des hétérotopies, qui serait l'hétérotopologie. Et une manière de caractériser tous ces mouvements, toutes ces occupations de place sur lesquelles, bah, on fait pas les choses comme d'habitude. Bah, je sais pas pour vous, mais s'asseoir en tailleur, prendre un micro et parler à des gens, on le fait pas tous les jours. Et ici, bah, c'est quasiment normal. Au sein de cet espace, se passe quelque chose qui renverse les logiques stables et les logiques habituelles. Donc il y a une manière de comprendre tous ces espaces qui est de dire ça n'est pas business as usual, ça n'est pas la même chose, c'est un lieu dans lequel on fait les choses différemment. Et ça permet de penser quel peut être l'impact et la portée de ces lieux-là. Si vous pensez que Nuit Debout ou Les Indignés ou Occupy Wall Street est un mouvement social classique, vous êtes frustré de ne pas voir de leaders qui portent des revendications et qui permettent de faire changer les politiques en se présentant aux élections. Ce qui est la démarche standard des rapports de pouvoir des mouvements sociaux. C'est d'essayer de prendre le pouvoir d'une certaine manière. À partir du moment où vous comprenez que ces lieux-là, comme Nuit Debout, comme ailleurs, et vous proposez d'essayer de les voir, non pas comme une manifestation ou un syndicat ou un mouvement, une marche classique, mais comme une autre manière d'occuper l'espace et de se comporter, il n'y a plus besoin de se demander s'il y a des revendications. En fait, c'est pas l'enjeu. L'enjeu d'une hétérotopie, c'est d'entretenir sa différence pour permettre aux gens qui passent dans cet espace d'avoir une expérience de la vie différente, au moins pendant un moment. Est-ce que ça va rester longtemps? On ne sait pas, parce qu'il y a des gens qui passent 10 minutes et il y a des gens qui passent 10 jours. Mais l'enjeu d'une hétérotopie n'est pas d'ouvrir les territoires en dehors du territoire, ça n'est pas d'aller voir les autres en leur disant comment ils doivent fonctionner, c'est de proposer dans un espace et dans un temps hétérotopie, hétérochronie différent, une expérience différente, mais qui va laisser une trace dans l'expérience intérieure des gens, dans leur pensée. Donc est-ce que la commission féminisme, est-ce que la commission constitution vont renverser les rapports de genre, les rapports de pouvoir ou réécrire la constitution? Alors soit on le voit comme un mouvement normal et on se dit oula ça va jamais marcher et ça marche pas, soit on se dit ça fait 3 semaines qu'il y a des gens qui se posent la question de ce que devrait être la constitution en France. Est-ce qu'ils vont la réécrire? Pas forcément. Est-ce que c'est important? Non. Parce que c'est un lieu juste où on se pose cette question-là qu'on s'était pas posé et qu'on se posait plus. Donc l'idée, c'est de repenser ces espaces-là avec des nouvelles catégories parce que c'est un nouveau mouvement social. Et je vais insister un peu parce que si on essaye d'appliquer les anciens concepts sur les nouveaux mouvements, on n'obtient que de la frustration et de l'échec. Frustration de ceux qui voudraient que ce soit une révolution et qui me disent, quand je passe, « Ah, on n'arrive pas à mobiliser les banlieues », donc ils pensent bien que ça devrait être le point de départ d'une grande marche pour l'égalité, la liberté, etc. Et il y a ceux qui critiquent en disant oui, mais c'est le bordel, il n'y a pas de revendication et pas de leader. Je pense que les deux sont des erreurs d'analyse sur ce que c'est que ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est un lieu dans lequel on se comporte pas comme ailleurs. Et vu qu'ailleurs, on avait fini par s'endormir politiquement, on avait fini par déléguer le politique à des professionnels de la politique, ici, on se comporte pas pareil, on a des questions qu'on n'a pas en dehors, mais peut-être que derrière, ça change les discussions qu'on a en dehors et ça nous change. Donc voilà pour vous proposez une nouvelle manière ou un nouveau mot pour caractériser ces espaces-là et pour leur donner du sens, là où si vous dites c'est une manifestation mais il n'y a pas de leader, c'est une contestation mais il n'y a pas de revendication, bah à ce moment-là ça n'a pas de sens. Et en même temps, il y a des gens ici tous les soirs, c'est bien qu'il se passe quelque chose qui fait sens. L'hétérotopie est un concept qu'on a proposé qui capture une partie de ce qui se passe et qui est, à mon avis, intéressant. Alors là, moi, je vais me tourner vers mes pauvres étudiants à côté, qui dans cette hétérotopie, c'est-à-dire dans ce lieu autre, l'idée, c'était d'aller voir... Alors, c'était un cours sur le leadership, donc ils sont allés voir le leadership. Les leaders, pas de leader, leadership, pas de... Est-ce qu'il y a des suiveurs? Est-ce que d'être suiveur, c'est pas bien, etc. En se concentrant là-dessus, parce que on est en dehors de cet espace un peu protégé, dans des logiques qui sont très souvent de meneur-suiveur et de domination-soumission. Hein, on a des rapports de pouvoir, il y a eu des discussions sur le genre avant, il y a eu des discussions d'autres jours sur l'entreprise avec la domination du manager, du chef d'entreprise, etc. Il y a une contestation de ça qui s'incarne ici avec un refus des leaders, qui est assez spécifique au mouvement des places. On veut pas de leader. Et c'est justement ça que je leur ai demandé d'observer en leur disant, on va aller voir et on va voir s'il n'y a pas de leader. Et on va voir s'il n'y a pas de leadership. Donc je vais leur proposer de partager avec vous leur lecture, leurs réflexions et leurs observations en vous demandant d'être très gentils. Et je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, donc moi c'est Chloé. Je m'excuse d'ores et déjà pour ma maladresse. Voilà. Donc moi je vais vous parler des mouvements sociaux, des leaders et du leadership. Un mouvement social, c'est quoi ? C'est une action collective avec des valeurs partagées, une cognition et une adhésion, et puis une durée dans le temps. En gros, c'est transformer l'ordre social existant, ou autrement dit, c'est faire valoir de nouvelles valeurs publiques, de nouvelles relations liées à ces valeurs et modifier le pouvoir politique, économique et culturel pour traduire ces valeurs en action. Donc on a étudié donc pas mal de textes et donc ce qu'en est ressorti par l'étude de ces textes, plusieurs leaderships qui ont été étudiés et qui ont eu des noms, et notamment le leadership qu'on appelle leadership distribué. Donc c'est un leadership qui met en avant une notion, celle d'organisateur compétent. En fait, les organisateurs compétents, c'est des organisateurs qui comprennent les menaces et les opportunités et qui les confrontent, ces menaces et opportunités au système de valeurs et aux relations. Et donc, ils sont compétents dans le rapport recherche-interprétation. Il y a aussi ces organisateurs compétents, ils structurent les interactions et puis ils reconnaissent et agissent sur les dilemmes clés d'un mouvement social. Chez Los Indignados, donc Castells en 2012 écrit: la mise en service de toutes sortes surgit spontanément. Certains s'occupèrent des problèmes de logistique, de l'eau, de la nourriture, d'autres déployèrent un réseau Wi-Fi. Aucun leader était identifié, chacun se représentait lui-même. Donc là, on a vraiment la notion de leadership autonome, où en fait, il n'y a pas de leader à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'en reconnaît pas, personne ne se reconnaît en tant que leader, et pourtant, il se passe quelque chose. Donc il y a un leadership présent, mais il n'est pas identifié. Donc moi, je pense... Enfin, d'après ce que j'ai lu, qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les leaders, de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. L'essentiel, en fait, c'est de savoir si nous avons des organisateurs compétents. Il faut sortir de ce schéma meneur-suiveur, mais plutôt se questionner sur les rôles de chacun, ce qu'on peut apporter à l'organisation en tant qu'individu ou entité, d'ailleurs, à un instant T. Et comment le faire sans psychoter, comme on a pu ou on peut le faire sur d'éventuels leaderships qui prendraient place naturellement et succinctement selon telle ou telle situation. Madame Beau a écrit un texte en 2016. Elle parlait d'un orchestre sans chef d'orchestre. Et ça m'a vraiment, enfin, c'est donc un texte sur le leadership et ça m'a fait penser à Nuit debout, entre autres, et tous les autres événements qui lui ressemblent. Et donc, je cite, « Pour réussir la performance, différents membres de l'orchestre prennent le rôle de leader ou de suiveur selon le contexte donné par la participation, mais aussi par l'intention exprimée par les musiciens. Dans l'orchestre sans chef d'orchestre, le bon sens est généré par un engagement sensoriel accru des membres de l'orchestre qui révèle la construction d'une interaction leader-suiveur, et cela est nécessaire pour la réalisation de buts communs tels que la performance musicale. Donc ça peut totalement être transposé pour un événement comme celui-ci. Ce rassemblement est une sorte d'orchestre socio-politico-culturel qui a besoin que chacun à un moment donné prenne le leadership et pour qu'il y ait vraiment une sorte de musique qui se crée. Pour en revenir sur les mouvements sociaux, donc on remarque aujourd'hui, comme le disait Yuan, que c'est un mouvement global et donc qu'il est suivi de manière nationale et transnationale surtout. Il y a des importantes connexions transnationales en termes de programmes, de tactiques, de représentations litigieuses et entre militants eux-mêmes. Et on remarque aussi l'usage du web qui est juste aujourd'hui. On peut pas imaginer un mouvement social sans web aujourd'hui. Et par exemple pour des événements sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, des vidéos qui tournent, énormément de vidéos qui tournent et qui en fait sont un moyen de communication pour ceux qui sont pas là, ceux qui sont là également. Et il y a beaucoup de points de vue. On peut voir des choses qui ne reflètent pas ce que nous on a vu quand on était ici. Par exemple, moi, quand j'étais ici, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues en vidéo, et vice-versa, d'ailleurs. Donc voilà. Pour les mouvements sociaux, il y a aussi l'appel du peuple à occuper donc les espaces publics, comme le disait Johan. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. En revanche, comme il le disait, c'est cette occupation, l'occupation en elle-même qui est nouvelle, pas des espaces publics, mais la façon de l'occuper. Et notamment les places centrales, comme dans les autres événements, comme Los Indignados, etc. Et donc cet appel au peuple, c'est un appel qui sert à forcer les politiciens et les élites à faire face au mécontentement général, parce que si les gens sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui devrait changer en tout cas. Et donc ces espaces deviennent un symbole du mouvement social. Donc aujourd'hui, la place de la République, c'est un symbole de Nuit Debout. Et donc ils rendent aussi visible ce mouvement par les médias et donc par les autres citoyens. J'ai lu un texte qui parlait d'un livre en fait qui reflète un peu cette globalité. Le livre Indignez-vous, dont vous avez certainement entendu parler, peut-être que certains l'ont lu, le livre Indignez-vous de Stéphane Hessel, qui a été traduit en fait en plusieurs langues, et notamment en anglais et en espagnol. Et donc ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il appelle aux jeunes contemporains à chercher les injustices autour d'eux, à s'indigner, et puis bien sûr à passer à l'action. Ensuite, voilà tout ce que je peux dire sur mon travail. Je vais laisser la parole donc à Guilherme, qui va vous parler du leadership qui est très présent, en fait, qui est là dans les mouvements sociaux et qui mérite une plus grande attention. Donc voilà. Bonjour à tous. Mon analyse, elle n'est pas aussi approfondie que celle de notre prof déjà et celle de Chloé. Mais c'est surtout, en fait, l'objectif pour moi, c'est d'avoir un échange avec vous pour essayer de comprendre aussi le leadership. Est-ce qu'il existe vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez également? Tout d'abord, je voudrais caractériser le leadership. Personnellement, je le caractérise comme une sorte d'influence que puisse avoir une personne, une association ou un mouvement, donc un ensemble de personnes qui créent ce leadership. J'ai trop axé sur l'idée en fait que le leadership, je l'ai axé vers le leader et en fait on décrit deux façons d'aborder le leadership. Le leadership comme un meneur, donc un meneur. Ah, c'est vous, voilà, justement, je voulais savoir si on avait un. Comment? En 2017 pour les élections? Exactement, vous avez totalement raison. Voilà, donc c'est ce que je voulais avoir comme réponse, s'il y en avait un, et ben voilà, monsieur est là. Donc c'est l'idée en fait, c'est l'idée qu'en fait il n'y a pas directement cette idée de leadership et encore moins l'idée en fait qu'il puisse avoir une seule personne qui gère. Ici, si j'ai bien compris, il y a des commissions. Les commissions, donc dans chaque commission, il doit avoir quelqu'un qui doit chapeauter le tout pour ni serait-ce que pour qu'il y ait une organisation. Quand il y a les assemblées également, il faut toujours quelqu'un qui chapeaute la discussion. Donc c'est toujours important quand même. Sans parler de leader, quelqu'un qui organise. L'idée en fait du leader, est-ce qu'il peut avoir le leadership sans followership? L'idée de followership, c'est les suiveurs. Et il est impossible en fait d'avoir aujourd'hui il n'est pas possible d'avoir des leaders sans des followers. Comment un leader peut devenir ce qu'il est sans qu'il y ait des personnes qui l'écoutent, qui le suivent et qui trouvent ses paroles légitimes. Donc il est important en fait qu'il y ait toujours des followers et les followers eux-mêmes peuvent devenir leaders. Aujourd'hui, si je vous parle du Brésil, je suis brésilien, je vais par rapport à la situation au Brésil aujourd'hui et à la situation politique, j'aurai une certaine position de leader. Par contre, si on va parler du mouvement Nuit Debout, des personnes ici seront plus apte et plus disposé à répondre correctement à des questions concernant le sujet. Donc en fait, c'est vraiment concernant chaque contexte qu'on peut dire qu'on a le leadership ou pas. Je voulais citer par exemple Nelson Mandela, pas vraiment donc une citation directement, mais dire que lui, il était le leader, tout en sachant, comme le prof nous l'a expliqué, que Nelson Mandela n'était pas seul, il y a toujours des personnes qui l'accompagnent, pas comme des followers, mais vraiment comme des personnes qui sont aussi des leaders qui l'accompagnent. Et donc là, dans ce mouvement, il était le leader. Gandhi, lorsqu'on parle de la colonisation anglaise, c'était aussi un leader avec les personnes qui le suivaient. Donc ce sont des leaders, mais en même temps, c'est des personnes qui incarnent à un moment donné, dans un contexte bien particulier, l'idée de leadership. Les différents followers. Il y a les différents deux types de followers que j'ai caractérisés. Les followers, tout simplement, ceux qui se contentent de suivre bêtement puisqu'ils ont totalement confiance en ce que la personne est en train de leur dire. Si on va parler de l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense qu'aujourd'hui ici, je pourrais gagner beaucoup de voix. Alors que si je parle que les hommes sont supérieurs aux femmes, je pense pas que ça aura le même rapport. Donc l'idée d'avoir les arguments qui vont être en fait en accord avec ce que veut entendre le public, là on peut avoir une idée, on peut avoir la position de leader. Et le follower dynamique, comme la madame qui a intervenu tout à l'heure, qui pose une question. En fait, le follower qui est ici, qui écoute et qui veut poser des questions. Et c'est sur ce point-là, en fait, que je voudrais échanger avec vous sur l'idée du follower. Mais tout simplement, en fait, ici, je nous considère tous comme des leaders. Chacun a le droit de parole. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Il y a certes une organisation à avoir, mais aussi un échange et d'en sortir pas forcément un leader, mais surtout une idée commune et une idée qui convienne à tous. Ok, merci à vous trois pour cette prise de parole sur les hétérotopies, sur les occupations de place et ce qui est en train de se passer là où visiblement, et comme vous l'avez rappelé, il y a sans doute la contestation du leadership et des fonctions hiérarchiques traditionnelles. Avant d'entamer un espace de discussion avec vous tous ici, je rappellerai juste, et c'est quand même amusant, vous êtes venus tous les trois. Nous ici, à Debout Éducation Populaire, on essaye à notre manière de fonctionner en changeant un peu les règles. Et il se trouve que chacun ici a un droit de parole égal. Et on a pour habitude d'appeler les gens à prendre la parole, pardon, en les appelant par leur prénom uniquement, sans fonction hiérarchique, y compris académique, donc pas d'étudiants, pas de profs. Donc c'est Johan, Guilherme et Chloé qui ont parlé ici. Et on essaye de respecter ça. Ça fait partie aussi de notre manière à nous de participer à cette occupation de la place. Voilà, s'il y a des questions parmi vous, n'hésitez pas à vous asseoir, à vous rapprocher. Ah ouais, d'accord. Ben, je vais me mettre là, par exemple. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de leadership de compétences. Et effectivement, pour chaque personne qui a une compétence, par exemple, imaginons la plongée sous-marine, eh ben, on suivra celui qui est le plongée sous-marine si on voulait faire de la plongée sous-marine. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison, il faut qu'il y ait des gens, alors moi, les followers, c'était un mot que je connaissais pas, mais il faut des gens qui suivent, sinon il n'y a pas de leader. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un leader qui est refusé complètement. Avez-vous une idée de quel type de leader est refusé ? Oui, et c'est quel type de leader ? C'est un leader autoritaire. Celui qui a le leadership du statut. Et quand il y a un politique qui se présente, il faut voir comment il se fait bouler. Hein ? Bon, ça c'est tout à fait intéressant. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je me mets derrière du coup. Je voulais poser la question des leaderships entre les différentes hétérotopies. Parce que tu as dit, à la place de la République, c'est une hétérotopie et c'est pas la peine d'essayer de se dire qu'on va étendre le mouvement ou quoi. Mais dans les faits, le mouvement, il est présent dans une petite centaine de villes de France, des petites villes, des grandes villes, en banlieue. Et la comparaison avec République se pose et la question du leadership de République se pose. Hier soir, j'étais à Saint-Denis et il y a des gens qui ont lancé c'est Paris qui a instauré Nuit debout à Saint-Denis. Nous, on va instaurer Nuit debout dans le 16e, par exemple. Ce qui, à mon avis, est une bonne idée. Mais donc, ça pose quand même une question quelque part d'enjeu de pouvoir au moins un peu symbolique, de quand même qui propose quoi à qui et dans quel sens ça va. Pareil, moi je viens de Corrèze et à Tulle, il y a des gens qui sont venus à Paris aussi voir ce que ça donnait, qui racontent comment c'est et qui disent bon, eux ils ont des espèces de signes bizarres pour dire quoi ou qu'est-ce quand ils acquiescent ou moi je trouve ça débile, si vous voulez on le fait, mais voilà. Donc il y a quand même des questions de comparaison. Il faut dire qu'on est beaucoup, beaucoup moins nombreux à Tulle, donc c'est plus facile de discuter sans geste. Mais voilà, donc il y a quand même une question de leadership entre ces différentes hétérotopies qui sont à la fois des espaces cloisonnés et à la fois qui discutent entre eux. Il y a un rassemblement qui est prévu à Paris. Il y a eu un appel pour que toutes les nuits debout de toute la France montent à Paris les 7 et 8 mai. Donc voilà, il y a quand même une question de rassemblement autour d'un lieu. Donc je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire là-dessus. Merci. Oui, alors pour le problème de c'est pas un problème que vous avez, mais j'ai un problème souvent. C'est le problème, c'est que Foucault propose des idées, puis il fait pas tout le tour. Donc après, faut faire le tour pour lui des fois. Et celle-là, on en a pas encore fait le tour. Donc il faut affiner. La question de l'expansion, je la pensais plutôt sur le territoire là, je veux dire à côté. La création d'autres hétérotopies n'est pas tant une conquête du territoire que l'idée que ça va avoir un écho. Mais déjà, la Nuit debout est extrêmement, alors c'est pas un décalque, mais extrêmement inspiré d'Occupy Wall Street et des indignés espagnols. Je veux dire les signes, etc. À peu près tout le vocabulaire qu'il y a ici, je l'ai vu il y a quelques temps à Zuccotti Park avec Occupy Wall Street, c'était pareil. Alors ils ont pas de micro, donc ils font du mic check. Chacun, on réinvente, on s'inspire. Il y a effectivement, on en a discuté dans le cours, plutôt un leadership hétérotopie. Donc on finalement on rejette le leadership de François Hollande. On se rappellera au passage qu'il a été élu. Hein. Il est peut-être autoritaire maintenant, mais il nous a demandé la permission. Il y a le statut, mais voilà, le leadership traditionnel va être rejeté et en même temps le leadership des autres hétérotopies va être accepté, contesté, négocié. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai, on est finalement plus connecté à Zuccotti Park et aux indignés espagnols et aux autres nuits debout partout en France que à l'extérieur de ce qui se passe ici, mais avec des leaderships et donc des jeux de pouvoir, et c'est ça qui devient vraiment intéressant. C'est à quel moment, alors on se pose pas trop la question de qui est le plus fort entre Occupy Wall Street et les indignés espagnols, parce que la temporalité est différente, mais effectivement il doit y avoir une frustration de Nuit debout. On leur dit ah oui, vous faites comme les Parisiens, ce qui est le cas. Je voyais des Lyonnais, ouais, quand on marque on leur dit ah bah vous faites comme à Paris, alors qu'ils font leur propre mouvement, ils sont obligés de le réinventer. Il y a à Tulle, on n'a pas besoin de micro parce qu'on est moins nombreux, bah ça change tout. Je veux dire, ça change tout pour prendre la parole. Je veux dire, c'est hyper facile d'avoir le leadership quand on vous donne un micro. Je veux dire, ça y est, je parle plus fort que vous, j'ai gagné. Alors je peux vous passer le micro, je suis pas autoritaire, mais c'est des artefacts qui sont pas anodins. Donc d'être moins nombreux, ça fait que vous êtes pas la même Nuit debout. Déjà. Parce que vous êtes pas la même sociologie, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes problèmes. Mais on se passe des techniques. On se passe la technique d'occuper une place et de l'occuper différemment, d'interagir différemment. Alors juste pour rebondir, c'est pas les titres, c'est marrant parce que oui, et en même temps vous vous débattez avec, parce que sur le programme Lama, il y a marqué Yohan avec ses étudiants. C'est hyper dur de sortir. On parlait de la rééducation tout à l'heure, sur le débat d'avant, il parlait de la se rééduquer pour sortir des cadres sexistes. C'est aussi difficile de sortir de ces centres, surtout quand on est dans un espace où on se dit fuck everything, fuck tout, on va rien faire comme ailleurs. On va pisser debout, c'était un débat de la commission féministe hier. On va tout voter, il va pas y avoir de chef. Et à un moment, on sait plus qui fait la bouffe et on sait plus où on va pisser, quoi. Parce que c'est pas évident. Et donc, on s'emprunte des techniques les uns aux autres. Et donc, des fois, on s'aime bien et puis on s'aime pas parce qu'il y a des dominations, il y a des rapports de pouvoir. C'est pas un espace noble où tout le monde est égalitaire ici. C'est pas facile. Il y a de la violence symbolique et physique aussi. Et il y a une violence symbolique sur les autres nuits debout. Parce qu'on l'a lancé, enfin, quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des dynamiques de leadership intra-inter qui sont vraiment intéressantes. Merci. Et oui, effectivement, y compris ici, c'est une lutte de chaque jour. Voilà. Il y avait une question derrière. Je vais vous demander de vous rapprocher, s'il vous plaît. Ok, merci. Oh, je voulais juste rapporter une anecdote toute fraîche de ce matin, là, quand je suis venue. Sur mon chemin, il y avait un stand de dépistage du sida tenu par deux dames. Et je leur dis, ben, c'est super, vous êtes des sacrées militantes, bravo, courage, rejoignez-nous à notre commission féminisme à Répu, à Nuit Debout. Alors, il y en a une qui savait, puis une qui savait pas. Alors, elle dit, ah bon, mais vous avez une adresse, vous avez un petit papier, un flyer. Ben, je dis, non, il n'y a pas de flyer, il n'y a pas... L'adresse, c'est Répu, Nuit Debout, Répu. Alors, il y a sa copine qui dit, mais oui, mais tu sais bien, c'est le mouvement qui essaye de dégager quelqu'un, un leader, un président, un candidat. Tu sais bien, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors je me suis dit en moi-même, bon, c'est déjà ça qu'elle sache. Alors il y en a une des deux qui entraînera l'autre, mais bon, j'étais un peu pressée, alors j'ai pas voulu entamer le débat. Merci. Ah. En fait, c'est ça l'idée, c'est que les personnes qui ne connaissent pas directement ce qui se passe ici, ils peuvent voir le mouvement. En fait, ceux qui sont ici et ceux qui adhèrent au mouvement Nuit Debout ne veulent pas un leader particulièrement. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est et disent bon, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de leader justement. Il y en a certains qui cherchent à ce qu'il y ait un leader, ceux qui ne connaissent pas vraiment et ceux qui y sont ici, ils ne veulent pas un leader. C'est ça la différence. Merci. Une question là. Alors moi j'avais envie de parler un petit peu de comment j'analysais ce mouvement de mon point de vue personnel, de mon expérience, parce que j'avais une collègue qui est passée et qui me dit ah c'est marrant, c'est signe, c'est nouveau. Et je disais ben non, c'est pas nouveau, ça existe depuis un moment. Et il disait au moins, enfin moi la première fois que je les ai vus c'était dans les révoltes contre l'OMC, contre les OGM, je sais plus, c'était 98 je crois. Alors peut-être parce que je les ai pas vus avant parce que j'étais trop jeune, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin il y a le mouvement d'occupation des places, mais ça part sur des pratiques militantes qui sont vraiment beaucoup plus vieilles, de contestation sociale radicale, notamment tout mouvement altermondialiste, et peut-être certaines ou certains, vous êtes trop jeunes pour les avoir vécues, mais d'autres si, avec les par exemple le contre sommet à Gênes, avec justement l'idée qu'on va faire des mouvements sociaux et politiques radicaux. Et je pense que l'idée qu'il n'y ait pas de leader, c'est pas seulement faire autrement que d'habitude, c'est en fait toute une partie de la population qui se dit en fait à partir du moment où les personnes deviennent leaders, en fait ils et elles ont des privilèges, des pouvoirs qui sont trop grands, et en fait ils vont se mettre à servir leurs propres intérêts et pas l'intérêt du groupe ou l'intérêt du peuple. Et je pense que cette critique politique qu'on a par rapport par exemple aux partis politiques à Nuit Debout, une partie d'entre nous en train de se dire en fait on pourrait mettre n'importe qui à ces positions de pouvoir, de toute façon ils vont être corrompus parce que leur pouvoir n'est pas limité. Et du coup, l'idée, c'est de faire un mouvement de contestation qui, en lui-même, ne reprend pas ses formes traditionnelles politiques et qui dit, en fait, c'est se mettre d'accord ensemble, trouver des points communs ensemble, des consensus ensemble, sans placer des gens à des positions de pouvoir qui vont leur permettre de nous trahir derrière. C'est ça qui va faire notre force. Peut-être pas d'accord avec toi, c'est justement ce truc de dire, alors, on ne sait pas quelle forme politique ça aura et comment on va pouvoir agir. Mais moi, je pense qu'il y a une puissance politique très très forte là-dedans et que c'est pas du tout voué justement parce qu'on n'a pas de leader ou de parti politique à mettre à la place de ceux qui sont déjà. Ça veut pas dire que ça va pas avoir vraiment un impact et c'est peut-être justement ça aussi qui a fait qu'il y a plein de gens qui viennent et qui se disent, parmi notamment les 40% de la population qui votent pas parce qu'en fait ils ont plus envie de voter pour des leaders qui de toute façon ne respecteront pas le programme qu'ils ont décidé. Voilà, il y a peut-être l'idée justement de constituer d'autres formes sociales, d'autres formes politiques qui seraient plus collectives, plus puissantes et moins on va mettre notre vie dans les mains de quelqu'un qui va être plus intelligent que moi. Ben non, en fait c'est personne n'est plus intelligent que moi. En fait il y a le pari d'une intelligence collective et de renverser le système de pouvoir tel qu'il est justement par un mouvement social qui fonctionne déjà différemment. Et voilà, et moi j'ai fait partie de pas mal de mouvements sociaux justement autogérés où il n'y avait pas de leader et ça marche tout aussi bien et tout aussi mal que les mouvements avec leader, quoi. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, je pense que ça a une puissance qui est équivalente ou peut-être plus forte. Enfin, moi, je pense que c'est plus fort parce qu'en fait, on a un potentiel révolutionnaire plus important. Voilà, mais voilà, je pense qu'avec ou sans leader, en fait, de toute façon, les organisations collectives, elles marchent, elles chaotent un peu comme ça et parfois elles marchent très vite et parfois elles se pètent à la gueule, mais voilà, ça marche quand même, quoi. Merci. Oui, je te laisse répondre. Je suis plutôt pas en opposition, en complément. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée, il y a ce mythe du leader héroïque. C'est-à-dire, il y aurait un leader, tout se passerait bien, et quand il y en a pas, c'est le bordel. C'est-à-dire, vu qu'on n'a pas quelqu'un à élire et quelqu'un à interviewer, bah donc forcément c'est le bordel. Et voilà, c'est ce mythe. Et quand il y a un leader, bah tout irait bien. Donc on ne voit plus que Martin Luther King et on oublie toutes les associations qui ont aidé à organiser parce que voilà, il y a ce mythe du héros qui sauve le mouvement qu'il porte. Voilà, faut faire attention, ça peut être le bordel avec un leader et ça peut être très bien organisé sans leader. Sans leader mais pas sans leadership. Et c'est là où c'est-à-dire que de dire que sur cette place il y a pas de leader, c'est faux, il y a pas de leader à la tête du mouvement de manière stable et incarnée, une personne, deux personnes qui iraient sur les plateaux télé, qui seraient les futurs candidats. Mais il y a du leadership, je veux dire dans les commissions, à chaque fois, il y a quelqu'un qui distribue la parole, qui tape sur l'épaule pour dire que ça fait 2 minutes, qui distribue, qui organise, qui écrit le compte-rendu, qui a la main sur la mailing list. Enfin voilà, sauf que ça va pas être une élection et une personne pour tout, et c'est ce que disait la dame tout à l'heure, ça va changer en fonction des gens, des compétences, ça va varier, ce qu'on appelle un leadership distribué. Par rapport à la transformation, un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Podemos dans la foulée des indignés. Mais Podemos, c'est pas la suite des indignés, c'est ce qui, dans la même énergie politique, émerge. Mais les indignés qui étaient sur la place, c'est pas eux qui montent Podemos. C'est la même énergie, c'est des gens similaires, puis des gens différents, et ça se complète, ça se recompose. C'est pas forcément les gens qui sont ici aujourd'hui ou qui sont ici tous les jours qui vont transformer le mouvement Nuit Debout en un mouvement politique. Il y a des mouvements politiques qui vont se créer dans la même énergie. Et en ça, la place a un leadership. Pas en prenant la tête d'un mouvement, mais en déployant une énergie qui va alimenter un autre mouvement, en partie avec les mêmes gens et en partie pas avec les mêmes gens, avec d'autres logiques, d'autres attentes, d'autres objectifs. C'est pas forcément faut éviter cette logique de il y a qu'un seul chef et puis les trucs se transforment, ils étaient sur la place les indignés en Espagne et puis c'est devenu un parti politique. Je veux dire, c'est une hérésie de dire ça, c'est faux. Les adhérents de Podemos, c'était pas les gens qui étaient sur la place, en partie mais pas que. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, ça se recompose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une organisation stable. Merci. Oui, je crois qu'il y a un point hyper intéressant qui vient d'être soulevé, c'est-à-dire que ce mouvement Nuit Debout et puis ces mouvements-là en règle générale ont le mérite de reposer la question des structures. C'est-à-dire que de sortir du débat politique traditionnel qui est celui des agents, c'est-à-dire plutôt quelqu'un qu'un autre parce qu'il aurait plus de qualité, mais de se poser la question des structures qui déterminent en grande partie le comportement de ces agents. Donc ça, c'est déjà hyper rafraîchissant, quoi. Alors j'aurais une petite réaction par rapport à ce qui a été dit et j'essaierai de, peut-être, avec plus ou moins de succès, de lier à une question par rapport à la comparaison avec l'orchestre sans chef. J'en ai fait l'expérience. Il y a tout ce qui est comparable avec Nuit Debout et tout, mais c'est vrai que dans un orchestre, la différence avec ce genre de mouvement, c'est qu'un orchestre est un groupe social préconstitué qui a plein d'autres formes de hiérarchie préexistante dans un orchestre que le chef. Il y a des chefs de pupitre qui ont un rôle, le violon solo et le timbalier ont plus de rôle que par exemple la deuxième flûte, etc. Et surtout, Alors qu'ici, voilà, ici, on est en même temps dans la construction d'un groupe social, en même temps que dans l'élaboration d'une structure. Donc il y a toutes ces choses-là qui viennent en même temps. Et aussi, un orchestre, il a un objectif très clair, qui est le rendu d'une partition. C'est-à-dire qu'il est soumis à la volonté d'un compositeur. Alors après, on s'engueule pour savoir ce que telle ou telle chose veut dire et comment il faut le dire. Mais l'objectif principal, je veux dire le seul en fait, c'est celui-là. L'orchestre n'existe pas en tant que lui-même, pour lui-même. Voilà, et c'est ça qui est, je pense, extrêmement différent par rapport au mouvement, c'est que ici, il n'y a rien qui structure la volonté de cette façon-là. On se pose même la question de savoir est-ce qu'il doit y avoir une partition. Donc ça, c'est éminemment différent, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on constitue l'orchestre, on écrit la partition, quoi. Et on se demande même si on a envie d'en écrire une. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué et qu'il y a ces débats-là. Donc du coup, j'aimerais le lier avec une question par rapport à ce que tu as dit, si j'ai bien compris. Moi, je me demandais pourquoi ce mouvement, malgré, comme tu l'as montré, sa nature hétérotopique, ne peut pas donner naissance, en tout cas irriguer, une mobilisation physique plus traditionnelle à travers des actions ou des manifestations. C'est-à-dire, je m'explique, que la place existe comme point de départ, comme maison commune coercitive, comme beaucoup de gens ont dit, hein, la place c'est la maison commune qui doit ensuite irriguer, en fait. Alors, cette maison commune qui rassemble des gens avec une culture militante ou non, autour de causes qui sont très diverses, qui sont pour certains nouvelles, et puis surtout qui peuvent être plus globales, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Pourquoi ça peut pas ensuite les pousser, d'après ce que j'ai compris, hein, tu me dis si je me trompe, mais pourquoi ça peut pas les pousser ensuite à une mobilisation plus traditionnelle dans la rue autour de ces enjeux qui sont nouveaux pour eux ou autour de ces enjeux qui sont globaux et qui permettent de rassembler au-delà des luttes sectorielles? Merci. Enfin, c'est chiant comme question. Bonjour tout le monde. Je viens du sud, donc je débarque sur la place pour un mouvement. Et il y avait la COP21 au mois de mars. Et il y a eu donc ce nouvel ordre mondial. Vous en faites quoi? Parce qu'on est dirigé là-haut par les plus grands. Il y avait plus de 180 pays qui étaient présents à Paris. Moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites de toutes ces puissances qui dirigent le monde? Merci pour cette question qui est là. Yoann, je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette question en particulier. Ouais, tiens. Je vais rebondir sans rebondir, puisque justement, vu que c'est une hétérotopie, eh ben, on s'en fout. L'idée, c'est d'essayer de créer un espace dans lequel on peut prendre pendant un moment une pause par rapport aux structures traditionnelles. S'informer directement, lire directement, discuter ensemble avec des gens qu'on connaît pas. Voilà. Donc ce qui se passe en dehors de la place, à la limite, n'a pas d'importance si ce n'est pour qu'on essaye d'imaginer comment rien faire comme dehors. Donc si dehors on est dominé par 180 pays, 200 familles, chacun a sa théorie du complot, ici on essaye de pas être dominé par la théorie du complot. Mais c'est pas facile, faut sortir des cadres. Et alors c'est là où je vais revenir à ce que tu disais par rapport à... Alors c'est vrai, c'est pas la comparaison était plus parce que je leur ai donné un texte dans lequel l'étude de terrain c'est un ordre d'orchestre, alors on a comparé avec l'orchestre. Oui, voilà, c'est une autre logique. Maintenant, je veux bien, il y a des structures dans l'orchestre, mais moi, je trouve ça hyper structuré, la Nuit debout. Hein. Il y a des, ouais, enfin, les modérateurs, le langage, tout n'a pas été inventé sur la place. Voilà, il faut pas penser que c'est pas structuré. C'est pas une structure traditionnelle au sens de, c'est de la musique classique, c'est hérité depuis longtemps, mais on réimporte des techniques qui date des mouvements altermondialistes, de luttes radicales plus anciennes, de choses plus récentes. On mélange tout ça, on réinvente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de faire différemment tant qu'on est ici. Il n'y a pas d'interdiction de Nuit debout à commencer à marcher et d'aller avec 200 000 personnes vers Bastille, tourner à gauche, aller à Nation, on se retrouve sur le terre-plein et puis on fait comme d'habitude. Mais à partir du moment où le mouvement fait ça, c'est plus Nuit debout. Alors ça, tu peux mettre la même étiquette et les mêmes gens, c'est plus la même logique. Tant que c'est ici et que ça fonctionne comme ça, c'est une hétérotopie. Dès que ça se met en mouvement, dès que ça monte un parti politique, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça sera autre chose. Donc par rapport à ce que tu disais sur irriguer, j'aime bien l'image. Je pense que si la nature hétérotopique est maintenue, et à mon avis elle est importante, il faut le penser en transfert d'énergie et pas en mutation de ce que c'est. La Nuit debout, c'est des gens qui fonctionnent différemment tous les jours, toutes les après-midi, tous les soirs sur la place de la République. Si on monte un parti politique... Je reviens... Ah non, bah, non, parce que, alors, moi je vais être partisan d'utiliser le mot juste, mais je reviens sur hétérotopie, parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a longtemps. Bon, c'était l'objet de la présentation avant, je le redonne. Désolé pour ceux qui étaient déjà là. C'est Michel Foucault qui propose un concept en disant il y a des utopies, ce qui n'a pas de lieu, l'idée qui n'a pas de lieu. Et il propose de plutôt se concentrer sur les hétérotopies, ces espaces autres dans lesquels on fonctionne différemment, dans lesquels les logiques classiques, les fonctionnements classiques sont renversés, détournés, rejetés. Alors lui prend beaucoup l'exemple du carnaval. Pendant le carnaval, pendant une journée, deux journées, on fait n'importe quoi. On peut se moquer du roi, on peut brûler des idoles, on peut caricaturer, on peut insulter. On renverse tout. Ah, on fait, oui, c'est voilà, on inverse ou on fait différent. Parce que inverse, ça voudrait dire qu'il y aurait que deux solutions. On ferait ça ou ça, c'est différent. On explore d'autres manières de faire. Il y a des gens qui sont partisans du vote et il y a des gens qui sont pas partisans du vote. C'est pas on vote ou on vote pas. C'est on fait différemment. On a des leaders stables qui incarnent et qui, des fois, prennent le pouvoir de manière stable et puis deviennent insupportables aux yeux de certains. Et ben ici, on va essayer de ne pas avoir de leader stable. Alors bon, c'est d'autres manières de fonctionner. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien. On va fonctionner différemment. Je dirais pas à l'opposé, pas en opposition, parce que c'est-à-dire qu'on sera encore déterminé par l'extérieur. Non, on va réinventer des trucs. On va perdre du temps, on va réinventer la roue, sauf qu'on va être créatif et on va être inventif. Donc ça fait de la dispersion d'énergie, mais ça fait aussi d'autres manières de faire. Hétérotopie, autre lieu, hétérochronie, autre temps. Et on fait, voilà, on a d'autres manières de faire, mais par rapport à ce que tu disais, on est quand même inspiré d'autres mouvements, on reprend, on repense. Et pour l'évolution, je veux dire, Nuit Debout, si ça devient autre chose qu'une hétérotopie, tant mieux ou tant pis, moi à la limite je m'en fous, je trouverai un autre concept pour parler de ça. Ça serait dommage de revenir à un concept du 19e siècle en refaisant une marche Bastille-Nation. Mais voilà, ce sera autre chose. Tant qu'on est sur la place, c'est ce que c'est. Là, ça peut muter, ça peut être le même nom. Il y a peut-être 5 guignols qui vont monter un parti Nuit Debout et qui n'auront jamais foutu les pieds sur la place. Ça ne veut pas dire que ce sera Nuit Debout. Tant qu'on est ici, c'est une hétérotopie et ça a des caractéristiques intéressantes, intelligentes et prometteuses. Et on revient chez nous le soir, on pense différemment, hein, on est un peu excité, on en fait chier notre famille qu'on voit le week-end en disant « Ah mais j'ai discuté de ça ». Putain, d'un coup, on n'est plus pareil, quoi. Et c'est peut-être ça la trace que laisse l'hétérotopie plus que le programme, les revendications, une nouvelle constitution. On a tous changé un peu selon le temps qu'on a passé dans un espace différent. Merci Johan. Je vais peut-être prendre une encore une fois, désolé pour ces règles. On va prendre une dernière question et puis après on laissera la place à la commission. Alors... Toi, je crois que c'était toi. Oui. Pas de lieu. Hétérotopie, c'est... Allez-y, madame. Voilà. Utopie, pas de lieu. Hétérotopie, un autre lieu. Un autre lieu. Or, là, on n'est ni dans... pas de lieu, ni dans un autre lieu, on est dans le même lieu, parce que Répu, c'est Répu, il s'est passé plein de choses avant la Nuit Debout, à Répu. Donc c'est le même lieu, c'est pas un autre lieu, mais c'est pas non plus pas de lieu du tout, je suis d'accord. Oui, symboliquement, un peu, mais c'est quand même le même lieu que d'autres trucs. Je suis désolée, le temps file. Ok, très bien. 2 secondes. C'est le même espace, c'est pas le même lieu. Alors ça, on en discute après si tu veux. Mais voilà, mais c'est des on pinaille. Voilà, mais... Dans la moitié... Bon. Très bien, je vais donc te laisser la parole pour une question. Moi, je voulais juste dire un tout petit truc. Tu parlais tout à l'heure de la frustration. Et moi, je viens depuis le premier jour. Et j'ai toujours été hyper content de comment fonctionnaient les choses. Et j'avais pas forcément envie de rentrer dans le concret. Pour moi, Nuit Debout, c'est un truc qui se suffit à lui-même. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que les gens voulaient à tout prix aller plus loin. Parce que déjà, cet espace de discussion, de rencontre où les barrières sociales n'existent plus. En fait, pour moi, c'est déjà une forme de désobéissance civile, je trouve que c'est super en fait. J'ai rencontré des gens ici que j'aurais jamais rencontré en temps normal, et le fait qu'on puisse pas mettre d'étiquette, qu'on n'ait pas de leader, etc. Bah, aussi, ça aussi, en final, c'est le fait de pas vouloir rentrer dans des cadres, donc une forme de résistance aussi en soi. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Alors, très rapidement pour abonder, je disais ça parce que si on essaye de fonctionner avec d'anciennes grilles conceptuelles, on est frustré parce que on voudrait des leaders, des revendications et des négociations politiques et des contre-pouvoirs. Moi, je pense que la nature fondamentale de ces mouvements des places, c'est d'être hétérotopique, et donc je pense qu'il faut en jouir. C'est-à-dire, il faut être content que ce soit hétérotopique. Si on est frustré qu'il n'y ait pas de leader, on va être frustré pendant longtemps de la nuit debout, et on va trouver que ça sert à rien pendant longtemps. Si on veut jouir de la nuit debout, si on veut être content que ça existe et content d'être là, il faut adhérer à sa nature propre, qui n'est pas celle d'un mouvement social classique, syndicat, ONG, association, manifestation, grève, mais c'est un nouveau mouvement social avec une autre logique que moi je nomme hétérotopique, qu'on peut toujours nommer autre chose si on n'est pas d'accord, mais dont il faut comprendre la nature nouvelle pour en jouir et pour être content. Et bah, voilà, tu es hétérotopique depuis le début, et tant mieux. Mais voilà, c'est de comprendre, d'avoir la bonne grille pour parler de la bonne chose et comprendre comment ça marche et en être super content tous les soirs. Oui, bon allez, j'espère que la commission qui féministe sera clémente. Je laisse une dernière prise de parole, après on va devoir fermer l'assemblée et puis on revient demain de toute façon. Je suis désolée, j'avais juste envie de dire que moi cette intervention, en fait, ça me fait penser aux interventions que j'ai vues sur YouTube, vous êtes peut-être lu aussi dans les journaux d'intellectuels qui disent que c'est nuit debout et qui définissent, voire qui critiquent, qui disent bah ça va pas marcher ou ça n'a pas de pouvoir social. Voilà, faire attention, parce que moi je trouve que c'est des discours qui sont aussi vraiment un pouvoir. En fait, moi j'ai pas envie que les intellectuels définissent ce que c'est, j'ai pas envie que tu nous dises ce que c'est. Je peux dire, bah moi j'analyse ça comme ça, moi j'analyse ça comme ça, moi je trouve que ça c'est un potentiel de changement, ça non, voilà, ça. Et je trouve que voilà, je trouve qu'il y avait des effets d'imposition, des effets un peu de violence symbolique, de dire bah moi je sais ce que c'est nuit debout, je vais vous l'apprendre, alors c'est une hétérotopie, c'est comme si c'est comme ça. Ok, en quoi ton discours, en fait, il participe à du changement social, en quoi ça va être plutôt un discours qui va être castrateur d'un mouvement social? Enfin, tu vois, enfin juste moi, un moment, je me dis, méfions-nous du rôle des intellectuels, celles et ceux qui étaient là avant, vous savez que moi aussi je suis une intellectuelle, et du coup, laissons pas les intellectuels nous dire ce qu'on vit à notre place, et restons toujours critiques et contestataires par rapport aussi à ce que nous disons, même des intellectuels sympathisants. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, que moi, bah, non, je pense que j'ai beaucoup de désaccords avec ta lecture des choses, et je pense qu'il faut vraiment se dire, ben, c'est pas parce que c'est un intellectuel qu'il a raison, quoi. Voilà. Et je dis ça aussi en disant, c'est pas parce que je parle ou que je suis une intellectuelle que j'ai raison non plus. Bon, merci.